de rivière pour prendre, pour parler, le monde à ses reflets. De veines saines en trouble peine, la vie à ses bohèmes. Ça ira, je crois. Ça ira, je crois. La terre peine à s'endormir au bruit de ses soupirs. L'été n'a de cesse d'oublier les framboises sucrées. Ça ira, je crois. Ça ira. Je crois rien, je crois tout, mais ça ira. Je crois que tout ça, c'est du vent. C'est de la poudre d'Occident. Un mot de trop, un mot de plus. De la poudre d'Occident, de l'avant, des machines avant, il ne reste qu'un firmament.